Audiomatique. à Audiomatic, la transmission 067 s'amorçait avec la formation japonaise Yellow Magic Orchestra et la pièce Technopolis de Ready Made Darling of Discotheque Track, remixée par Yasuharu Konishi, membre de Pizzicato 5. Cette pièce est tirée de l'album Yellow Magic Orchestra Remixes Technopolis 2000-01. La pièce originale Technopolis se retrouve sur l'album Solid State Survivor de Yellow Magic Orchestra, paru en 1979. Yellow Magic Orchestra est bien sûr un des groupes phares de la musique électronique de la fin des années 70 et du début des années 80, qui a inspiré une panoplie d'artistes et de groupes plus contemporains. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par la scène de la musique électronique et particulièrement celle prenant place au Québec, alors vous connaissez peut-être un de ces groupes, c'est-à-dire le Matos. Le Matos est en fait une déformation argotique du mot matériel, mais est également le nom d'une formation musicale montréalaise composée aujourd'hui de Jean-Philippe Bernier et de Jean-Nicolas Lepi, qui ont fondé le groupe en 2007 en compagnie de Maxime Duménil et à qui s'est éventuellement joint le batteur Vincent Ménard. En 2011, ils font paraître un ramassis de pièces composées entre 2007 et 2011 sur Coming Soon, puis un premier vrai album sort en 2013 sous le titre Join Us. Ils ont également produit des remixes pour, entre autres, Cœur de pirate, Numéro Numéro, Delphic, We Have Band et Electric Youth, et se sont fait approcher pour composer la bande originale du film Turbo Kid. En décembre 2015, ils en ont profité pour faire paraître un deuxième album intitulé Chronicles of the Wasteland, un album double qui comprend la bande originale du film Turbo Kid et l'album Chronicles of the Wasteland qui compte 10 pièces composées à partir du matériel de la bande originale. Les électronistes ont la chance ce soir de pouvoir s'entretenir quelques instants avec l'un des deux membres de la formation Le Matos, soit Jean-Philippe Bernier. Bienvenue à Audiomatic, Jean-Philippe. Salut, merci. Nous sommes très heureux de te recevoir à l'émission. D'ailleurs, tu as le privilège d'être notre tout premier invité dans l'histoire de l'émission. C'est cool, hein? Comme nous l'avons mentionné en introduction, la fin de l'année 2015 a été assez occupée pour vous avec la sortie du film Turbo Kid, puis du nouvel album double qui comprend la bande sonore du film et l'album Chronicles of the Wasteland. Dis-nous, s'il te plaît, comment le projet a-t-il pris forme au juste? C'est ça, pour Turbo Kid, pour faire une histoire courte, les réalisateurs qui s'appellent Arca et Tess, sont trois amis à nous de longue date quand même. Moi, ça fait longtemps. Je suis aussi directeur photo dans la vie. J'ai aussi fait la direction photo de Turbo Kid. Fait que ça fait quand même longtemps. Moi, je suis collé à ces trois réals-là qui shootent leur court-métrage. Puis comme n'importe quel court-métrage, tu sais, tu vas aller en festival, des trucs comme ça, c'est super important d'avoir les droits pour la musique, ces trucs-là. Fait que moi, je commençais à faire de la musique électronique avec Jean-Nicolas puis Maxime à l'époque. Puis on faisait des trucs un peu plus là, orientés par le club. Un peu dans la vague, justement, 2006-2007, Justice, Banger, Skitsune. Puis là, c'est ça, Arcaïtès, c'est comme... moi, vu que je faisais l'image, j'en ai qui a fini par faire le montage sonore de leur film. Puis par le fait même, on s'est dit, ils ont utilisé de notre musique pour les courts-métrages. Fait que c'est de là que la collab est partie, en fait. Puis par la suite, on s'est amusé vraiment à faire de la musique exprès pour leur court-métrage. Et on a fait la musique, justement, de Tease for Turbo, qui est le court-métrage qui a lancé un peu le projet Turbo Kid, en fait. Vous avez donc utilisé du matériel qui date de 2011 sur la bande originale. Est-ce que nous nous trompons? Non, pas du tout. En fait, tu parles de Turbo Kid? Oui. Par exemple, la pièce 58 minutes pour vivre qui est sur la bande sonore et qui apparaît également sur votre mini-album 58 minutes pour vivre, paru en 2011. Oui, c'est ça. C'est un petit bonbon qu'on s'est donné. Là, vu qu'il y a vraiment une scène qui était faite pour les fans, qui est comme une scène de combat dans la piscine, dans le film, qui est vraiment, vraiment une scène hommage au court-métrage. Il y a des lignes de dialogue qui ont été gardées. C'est vraiment un clin d'œil pour le monde qui connaissait le court-métrage. Donc, on s'est dit, vu qu'ils font un clin d'œil au court-métrage, faisons la même chose. Fait qu'on a fait un clin d'œil au court-métrage en refaisant la track. C'est pas exactement la même chose. On a gardé la dynamique puis les mélodies en la rendant peut-être un peu plus élite, un peu plus cheesy, plus dynamique. Puis sinon, il y a aussi dans la scène de bar, il y a une sorte de scène de bar un peu comme dans Star Wars. On s'est inspiré un peu de Star Wars. On s'est dit qu'est-ce qui pourrait être drôle. On a refait une de nos vieilles tracks, là, 88 miles per hour, là. Fait qu'on avait refait une de nos vieilles tracks. C'est vraiment les deux seuls morceaux qui datent. Puis c'est vraiment que des clins d'œil. Fait que sinon, tout le reste est original et composé sur les images du film. Ah, OK. Et est-ce que l'album Chronicles of the Wasteland était originalement prévu avant même la composition de la bande originale du film, ou est-ce que vous avez décidé de profiter de celle-ci pour composer un nouvel album studio? Je pense que c'est arrivé du fait que si on écoute quand même beaucoup de musique de film, on en collectionne, on clique vraiment là-dessus aussi, puis c'est un peu décevant des fois quand on écoute de la musique de film, c'est que c'est super bon, mais ça finit après 30 secondes, 1 minute 15, c'est comme... Ça me semble que ça pourrait vivre un peu plus, ça pourrait être plus long, pour avoir plus d'idées. Puis en jamant justement l'album sur le film, c'est exactement ça qui s'est passé. On faisait des tracks de 30 secondes, puis on partait sur un jam peut-être de, je sais pas, 10 minutes, là, tu sais, on fait des super longs jams, puis là, t'es comme, faut raccourcir, puis là, il y a un punch visuel qui arrive là, qui est pas tant mélodique, standard, comme on fait de la musique, c'est très 4-4. Donc, c'était moins, c'est super bon, mais en même temps, c'était comme un peu frustrant. Fait qu'on s'est dit, pourquoi on fait pas? On prend 9 de ces morceaux-là, puis on les amène à une pièce standard du matos. Fait que nous, c'était clair et certain qu'avec Turbo Kid, on allait amener ça sur scène. Fait que pour l'amener sur scène, il aurait fallu le modifier. Fait qu'on a fait le travail vraiment en studio, plus que par la suite. On s'est dit que ça ferait, moi, en tant que collectionneur de musique de film, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir. Fait qu'on s'est dit, on donne 100% de soundtrack sans l'altérer. On fait juste le rendre clean pour l'écoute, là, mais si on le modifie pas, c'est qu'on le donne aux fans du film. On s'est dit, nous, on en profite pour amener ça ailleurs, pour le monde qui nous connaisse un peu, puis pour le monde qui nous connaisse pas aussi, là, pour vraiment pour nous, pour triper, pour faire des tracks concrètes qui nous plaisent, en fait. Fait que c'est devenu comme un genre de super album, là. Donc, c'est du temps qu'à être super picky, puis à donner ce morceau-là. Bon, c'est ça, on donne tout, puis après, au même prix qu'un album normal, puis... Après ça, c'est au monde qui consomme comme hiver, en fait. Très bonne initiative. Alors, on constate aussi que pour vous, l'image et la musique sont intimement liées. Est-ce que vous avez l'intention de réaliser un film éventuellement? Ben, c'est drôle, c'est quand même drôle. Mais tu sais, moi, c'est sûr que je dirais que l'autre membre, j'en ai, qui est vraiment pas dans la réalisation. Comme tu dis, c'est vraiment uniquement la musique. Et parler dans tous les genres, hein. Il fait beaucoup d'autres trucs. Ensemble, on fait vraiment ce qu'on fait, notre sonorité. Moi, c'est sûr, de mon côté, j'ai toujours eu des projets, j'ai réalisé des clips, des trucs comme ça. C'est plus l'image, là, c'est plus la version photo, mais c'est sûr qu'éventuellement, c'est ce genre de truc qui peut arriver. Ça, c'est sûr. Jusqu'à maintenant, nous remarquons que vos compositions sont très inspirées par la musique électronique des années 70 et 80. Pourquoi avez-vous choisi cette période-là comme source d'inspiration? Ben, pour dire, avoir choisi l'époque pour l'influence, je pense que c'est plus l'époque qui nous a choisi. En fait, on est né dans les années 80, puis je pense que ça s'est imprégné dans notre ADN, en fait. On a grandi là-dessus. C'est vraiment toute cette nostalgie-là, puis la mélancolie des Élises qui ressort dans notre son. Qu'on essaye ou pas de le faire, ça finit toujours par sortir. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est un peu ça qui... Le son, c'est fait tout seul, puis c'est par la suite, à cause de notre sonorité, qu'on s'est collé à du monde comme Turbo Kid, puis je pense que c'est ce qui fait que l'album est autant élise dans ce projet-là, peut-être plus que d'autres de nos trucs, c'est qu'en fait le film dicte quand même ça beaucoup, là. C'est un gros love letter aux années 80, fait que dans le fond, c'est sûr qu'il fallait en mettre un peu plus, mais encore, je pense qu'on a resté fidèles à nous autres, là, surtout pour l'album Chronicles of the Wasteland, qui est très nous, sinon... les inspirations, c'est sûr, c'est toutes des inspirations des années 80, par beaucoup, comme Tangerine Dream, qui a fait d'excellents soundtracks, mais excellent album aussi, juste en tant qu'artiste. Shuki Levy, qui a fait la musique des Cités d'Or, c'est sûr, les John Carpenter, Alan Howard, Vangelis, Goblin. Si je pourrais en nommer, là, des tonnes, John McKernan, des trucs comme ça. Mm-hmm, OK. Mais outre les compositeurs qui ont réalisé des trames sonores, là, t'as nommé Tangerine Dream, entre autres, est-ce qu'il y a aussi d'autres artistes qui ne font pas de la musique de film qui vous inspirent? Ben, c'est sûr, il y a des trucs comme rétro, comme Yellow Magic Orchestra, Kraftwerk, qui datent un peu plus des années 70, qui nous inspire vraiment, vraiment beaucoup. Mortal Bay a quelque chose sans track, mais je pense que c'est vraiment une grosse... c'est autre que ce qu'il y a une énorme... c'est très gros ce qu'elle fait pour les allos puis tout ça, pour le disco aussi. Fait que c'est sûr, ça, des artistes qui nous inspirent beaucoup. Dans les trucs récents, on est des gros fans de Stéphane Bodzin. Je pense pas qu'on nous inspire directement, mais c'est le genre de trucs qu'on écoute. C'est sûr qu'il y a tout... il y a tous les trucs, là, je te dirais, là, justement, le Collectif College, de college Valérie, puis des trucs comme ça aussi. Là. Mm-hmm, OK. Et côté musical, est-ce que ton coéquipier et toi avez le même background ou bien chacun apporte ses influences personnelles pour le matos? Ben, c'est sûr que je dirais qu'entre moi et Jean-Nic, une des grosses différences, c'est que Jean-Nic s'en vient un peu plus loin dans notre vie. Jean-Nic est vraiment un gars qui vient plus du techno, puis de l'industriel des années 90. Moi, j'ai une grosse appartenance justement au score de film un peu plus, puis à tout ce qui est un peu plus peut-être new wave, puis un peu plus cheesy. Puis on se rejoint là-dedans. Je veux dire, les deux, on écoute de la musique électronique énormément, c'est sûr. Moi, j'ai une passe un peu plus aussi. Je passais par l'indie rock, le metal, mm-hmm. peu importe là. Mm-hmm. Fait que je veux dire, la musique en général est présente dans nos vies de tout plein de genres, même par le classique. Mais fait que c'est sûr qu'on a des références vraiment différentes. Je pense que ça s'entend dans notre musique aussi. Là. Autant la mélodie est super release avec des drums très techno en fait. Puis là, je pense que c'est là où est-ce qu'on peut voir vraiment bien nos références différentes en fait quand on écoute la musique. Mm-hmm, OK. Et si tu avais un artiste et un album culte à nommer, quel serait-il? Ben, j'en aurais peut-être deux, en fait. Deux trucs des Elise, en fait. On va rester dans la nostalgie un peu, vu que c'est un peu ça qui drive le projet. Mais c'est sûr, il y a Albedo 0.39 de Vangelis, qui est un peu ce qui m'a rentré, moi, dans la musique électronique. Étant enfant, là, j'écoutais ça vraiment avec mon père, là, puis c'était comme... quelque chose de super weird avec cet album-là, je sais pas pourquoi, la sonorité à cette époque-là. Puis ça m'a suivi quand même toute ma vie un peu. Puis tant pis, cet album-là, je pense qu'il m'a amené à faire le genre de musique que je fais. Puis sinon, le soundtrack de Risky Business, Set Parten During Dream, un autre album super important. Encore une fois, quelque chose de super émotionnel dans la musique. Puis tout en gardant la sonorité Elise, je sais pas, quelque chose de super intense. Puis je suis pas trop émotionnel dans cette musique-là, fait que je pense que c'est les deux albums qui m'ont le plus peut-être marqué puis suivi tout au long de ma vie, en fait. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au côté émotionnel, parce qu'on ramène souvent la musique électronique au côté très technique, maîtriser les outils et les logiciels. Est-ce que vous considérez ce côté plus émotif de la musique électronique dans vos compositions? Ben, je pense que ça, dans notre album, dans notre musique, en fait, c'est toujours super présent, puis c'est pas forcé, là. C'est vraiment, je sais pas, quelque chose qui nous reste tout le temps. C'est même des fois, on fait de la musique, on trouve que notre musique, des fois, on DJ pour le fun, on trouve notre musique super dure à DJ, justement, à cause de ça. Autant que ça peut être super 4x4, puis très mécanique, comme la musique électronique standard, il y a toujours quelque chose de super planant, puis évolutif, puis émotionnel dans ce qu'on fait, sans rentrer dans le EDM, puis les genres de montée, là, qu'on voit souvent, un peu plus populaire, là. Mm-hmm. Et l'émergence du numérique a vraiment transformé l'industrie musicale. Certains diront même que c'est une révolution. Donc, dans cet univers numérique sans véritable frontière, univers qui semble d'ailleurs être toujours en transition, comment un groupe musical comme le vôtre réussit à se démarquer et surtout à se faire remarquer? Mais je pense que c'est pas difficile parce que surtout, ben, c'est dur à dire pour parler de surtout dans notre genre, on dit toujours ça, vu qu'à quelque part, on est vraiment bloqué dans ce qu'on voit et ce qu'on écoute. Mais je trouve que si je regarde l'exemple pour tout ce qui sonne Ellie, c'est que c'est tellement facile de faire de la musique tout seul avec un laptop puis que ça sonne super bien. Là. Ou des fois, c'est difficile de démarquer dans un bassin énorme de musique. Je pense que c'est ça que le numérique a rendu l'accessibilité pour faire de la musique, mais je trouve que ça a créé tellement de contenu que, comme tu dis, c'est pas difficile de se démarquer. Pour nous, je pense que où est-ce que ça fait la différence, c'est justement de s'associer puis d'essayer de faire des trucs un peu à un autre niveau, justement, comme en faisant de la musique de film. Je pense que là, on réussit à se démarquer par cet aspect-là, justement, en touchant différentes plateformes autres que juste la musique. Sur SoundCloud et Bandcamp, admettons. Parce que là, t'es dans un bassin tellement dense de musique similaire. Fait que c'est sûr que je pense que de faire de la musique, c'est d'explorer d'autres avenues que juste la musique standard, c'est une bonne façon, là. Mais il faut dire aussi que les labels, je pense que jouent pour... C'est autant si on est dans un air où est-ce que les labels sont peut-être rendus inutiles pour certains, c'est facile pour les gros de dire ça, mais je pense que pour les plus petits artistes, des fois, de s'associer à une bonne maison de disques, c'est une bonne façon justement d'avoir de la visibilité puis d'avoir le monde derrière soi pour pouvoir justement nous aider à se démarquer ou à savoir, à donner de la visibilité puis avoir de la crédibilité en fait en tant qu'artiste. Mm-hmm. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que les canaux conventionnels de promotion comme la radio, la télé, les magazines, est-ce que tu penses qu'ils sont toujours aussi efficaces aujourd'hui ou si tu penses que l'industrie a changé? Ben, comme je dis, je pense que c'est rendu... ça a toujours été super gros dominé par la culture pop, là. Puis de plus en plus, il y a de moins en moins d'argent dans toutes les sites, dans tous les trucs. Puis c'est qu'on dirait que c'est abolir en premier, c'est les trucs un peu plus de gauche, là. Un bon exemple, c'est Bonaparte, je pense, c'est éliminé. Super décevant, tu sais. C'est sûr, des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas, mais au moins, ça donnait une voix à des trucs un peu plus indépendants. Puis je pense que c'est difficile pour des artistes, justement, émergents, comme vous dites, puis qui sont peut-être un peu moins axés sur la pop standard, là. C'est super dur d'avoir une portée d'écoute. C'est pour ça les petites radios, c'est super important. Puis les réseaux sociaux, tout ça, je pense que c'est une bonne façon de vendre sa musique. Mais le travail des labels peut toujours aider. Mais encore une fois, je pense que les vitrines, autant qu'elles sont plus nombreuses, les plus importantes sont de plus en plus fermées vers les trucs super indie. Mm-hmm. Intéressant comme point de vue. Pour revenir un petit peu, disons, à votre musique puis à votre album Chronicle of the Wasteland, on sent par cet album que vous avez atteint un excellent niveau de réalisation et de production. Pour le futur, avez-vous l'intention de rester fidèle à ce style-là ou est-ce que vous pourriez éventuellement vous laisser inspirer par d'autres styles musicaux et explorer d'autres avenues? C'est sûr que cet album-là, c'était vraiment... C'est comme vraiment, on pouvait vraiment faire exactement ce qu'on faisait avant à quelque part, mais c'était le projet, c'est le film, les couleurs du film, le feeling, c'était vraiment notre genre facile, en fait. Fait qu'on s'est laissé aller là-dedans. Mais dans le futur, c'est clair qu'on, en fait, on veut explorer un peu plus. On va rester toujours électronique, je pense, puis il va toujours avoir une énorme influence télé derrière ce qu'on fait. Puis aussi super émotif, I guess, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est toujours présent. Mais c'est sûr qu'on veut, explorer plus. On veut aussi aller vers du scoring de films peut-être un peu plus standard. Aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment beaucoup. Peut-être un peu moins, justement, beaté ou moins élise, puis toucher à des films peut-être un peu moins, pastiche, en guillemets. Fait que je pense que c'est sûr que ça, c'est dans l'avenir, mais c'est le genre d'affaires qu'on peut pas, je pense qu'on laisse vraiment, on fait vraiment ça de façon instinctive. C'est le temps qui va nous dicter voir si on va vers d'autres choses ou pas. Mm-hmm. À court terme, avez-vous des projets, que ce soit des remixes, des collaborations? Est-ce que vous avez entrepris la composition d'un prochain album, de d'autres musiques de films? Présentement, l'année commence. On prépare à monter la version live, en fait, du nouvel album. On a joué quelques morceaux dans les shows précédents. On a fait un lancement super court. Fait que ça, c'est sûr, c'est la priorité en début d'année, c'est de monter le live et de commencer à faire des shows un peu partout avec cet album-là. Mm-hmm. Sinon, on est en studio, on a commencé vers la fin de l'année à scorer une série web qui s'appelle Exode, qui va être sur TV5. Mm. C'est une des séries du fond TV5 avec Emmanuel Bilodeau, un sci-fi, huis clos qui se passe dans l'espace. Fait que là, on est là-dessus, on a fait le premier épisode, on finit ça ce mois-ci justement, ça devrait sortir en février. Sur Internet. Fait que ça, c'est notre prochaine vraiment composition originale. Un peu plus atmosphérique, toujours avec un vibe Elise, mais beaucoup plus posé, beaucoup moins présent que ce qu'on a fait pour Turbo Kid. Ah, excellent. On va aller voir ça, c'est certain. Donc, nous comprenons aussi qu'on aura la chance de vous voir en spectacle au Québec dans les prochains mois. Je sais pas si ça va être quand. On n'a pas de date, on n'a pas rien booké. C'est sûr que là, on commence à travailler sur la mise en place du show, du nouveau show, en fait, parce que on a fait des shows quand même beaucoup, puis un peu partout au Québec, puis à l'extérieur du Québec, si on a fait une pousse. Mais c'est sûr que c'est une priorité pour nous, puis ça nous tente super gros aussi de retourner sur un stage, puis de faire la nouvelle musique. Fait que oui, j'espère qu'on va pouvoir se promener un peu partout au Québec, là. Ah, c'est certain qu'on serait très intéressé à découvrir votre musique en spectacle et de voir la différence avec l'album. Et donc, on est presque rendu à la fin de l'entrevue, Jean-Philippe. Et pour clore cette entrevue, nous aimerions que tu choisisses le contenu de la prochaine séquence musicale en sélectionnant une pièce de l'album Chronicles of the Wasteland, une pièce de la bande sonore du film Turbo Kid et une pièce d'un artiste que tu affectionnes particulièrement ces temps-ci. Donc, pour Chronicles of the Wasteland, j'irai avec Highway 64. OK. Et pourquoi cette pièce-là en particulier? C'est un peu, je sais pas, j'ai toujours été super attaché à cette track-là depuis qu'on l'a faite. Il y a quelque chose, j'adore la jouer live, j'adore la dynamique qu'elle a. Je pense que c'est collé à ce qu'on fait, avec des émotions. Tout est là, en fait. Je pense que c'est un de mes morceaux qui est touché de l'album. Non, pour Turbo Kid, je pense qu'on mettrait Tequila Sunrise, la version du film, c'est la version plus courte. Encore une fois, il y a quelque chose de le fun là, avec cette track-là, qu'on aime beaucoup. La réaction est super bonne aussi. Puis sinon, pour là, je vous lance ça. Dans le fond, on dit que c'est notre album préféré à moi puis Jean-Nic, c'est là où est-ce qu'on se joint. Notre album préféré de 2015, l'album de Stéphane Bodzin, je dirais la track Weir, W-I-R. Ah oui, la pièce Vire de l'album Powers of Ten de Stéphane Bodzin. Nous allons jouer ça avec grand plaisir. Ben merci infiniment, Jean-Philippe, pour ta participation à Audiomatique. Ben merci. Nous vous souhaitons la meilleure des continuités. Nous allons assurément continuer à vous suivre dans le futur. Parfait. Ben, en février, nouvelle série, nouveau truc qui va être déjà du beau matériel en ligne. Ah, excellent. Merci encore. Merci, bye-bye. Alors, à Audiomatique, voici les choix musicaux de Jean-Philippe Bernier du duo Le Matos, à commencer avec la pièce Highway 64 tirée de leur album Chronicle of the Wasteland. We'll be right back. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Audiomatique en compagnie des électronistes et nous entendions à l'instant l'artiste allemand Stefan Bodzin et la pièce Wir tirée de l'album Powers of Ten, son deuxième. Et cet album est l'album marquant de l'année 2015 pour le duo québécois Le Matos, comme nous le disait Jean-Philippe durant l'entrevue. Et sachez que Stefan Bodzin a aussi fait paraître en 2015 un album, donc des versions remixées des pièces sur Powers of Ten, et l'album s'intitule tout simplement Powers of Ten Remixes. Précédemment à Stefan Bodzin, nous avons entendu Le Matos avec leur composition Tequila Sunrise tirée de la bande originale du film Turbo Kid. Et en début de séquence, il s'agissait toujours du duo Le Matos avec Highway 64 de leur album Chronicles of the Wasteland qui est paru en décembre dernier et qui comprend sur un deuxième CD la bande originale du film Turbo Kid. Nous remercions encore une fois Jean-Philippe Bernier du duo Le Matos pour sa générosité lors de l'entrevue et pour avoir choisi les pièces de la dernière séquence musicale. Les électronistes vous remercient d'avoir été attentifs lors de cette transmission 067. Nous vous donnons rendez-vous, comme à l'habitude, mercredi prochain, à compter de 17h pour la transmission 068. Sachez aussi que la rediffusion de l'émission de la semaine courante se fait le samedi vers 20h, toujours sur les ondes de CFOU 89.1 FM. Et si vous désirez entendre toutes nos anciennes transmissions, nous vous invitons à visiter notre profil facebook.com/audiomatique-CFOU. Afin de clore cette émission spéciale consacrée au duo québécois Le Matos, nous nous laissons avec un des artistes qui les a influencés, soit Vangelis et sa composition Albedo 0.39. Bonne semaine! Distance from the sun, 94,537,000 miles. Minimum distance from the sun, 91,377,000 miles. Mean distance from the sun, 92,957,200 miles. Mean orbital velocity, 66,000 miles per hour. Orbital eccentricity, 0.017. Obliquity of the ecliptic, 23 degrees, 27 minutes, 8.26 seconds. Tropical year, equinox to equinox, 365.24 days. Length of the sidereal year, fixed star to fixed star, 365.26 days. Length of the mean solar day, 24 hours, 3 minutes, 56.555 seconds in mean solar time. Length of the mean sidereal day, 23 hours, 56 minutes, 4.091 seconds in mean solar time. Mass, 6,600 million, million, million tons. Equatorial diameter, 7,927 miles. Polar diameter, 7,900 miles. Obliqueness, 1/298. Density, 5.41. Mean surface gravitational acceleration of the rotating Earth, 32.174 feet per second per second. Escape velocity, 7 miles per second. Albedo 0.39.